éclaircies malgré les passages nuageux, on devrait pouvoir en profiter. Les températures sont froides, de 2 à 3 degrés. Tagué, couvert de peinture, incendié, vitres brisées, le nombre de radars partiellement ou totalement détruits est en forte augmentation ces dernières semaines depuis le mouvement des Gilets jaunes. Les actes de malveillance avaient débuté en juillet dernier depuis l'entrée en vigueur du 80 km/h sur les routes sans séparateur. Ils sont toutefois sans commune mesure avec ceux auxquels on assiste ces dernières semaines. La préfecture ne fournit aucun bilan dans l'Eure et la Seine-Maritime de peur de voir les auteurs de ces actes se livrer à une surenchère. Toutefois, selon nos calculs, 60% des radars, tous genres confondus, seraient inopérants dans ces deux départements. Les radars fixes sont les plus touchés par ce phénomène. Les radars de feu restent pour le moment assez épargnés. Pour l'État, ce mouvement de grogne des usagers de la route est un véritable manque à gagner. Par exemple, le radar de Cricbeuf sur Seine, sur l'A13, qui a flashé plus de 15 000 véhicules en 2017, rapporte 86 768 euros par mois à l'État. Au niveau régional, ce montant se chiffre donc à plusieurs millions par mois. L'an passé, les radars en France avaient rapporté 1 milliard d'euros. 92% des recettes avaient été utilisées pour la sécurité routière. 400 euros pour une vitre brisée ou taguée ou 150 000 euros pour une destruction totale. C'est ce qu'il en coûte pour réparer un radar détérioré. Une somme financée par les amendes des automobilistes en excès de vitesse. En 2017, les actes de vandalisme sur les radars en France avaient coûté 9 millions d'euros. Ce chiffre devrait exploser cette année. Une personne reconnue coupable d'avoir tagué un radar est punie d'une amende de 15 000 euros et d'une peine de travail générale. En cas de destruction totale du radar, la peine encourue est de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Transition, formation, changement, dynamisme, valeur et vecteur social. Le champ lexical utilisé pour décrire le Rollon pourrait sembler à l'oreille un brin utopiste, mais sur le papier, la monnaie locale propulsée par Hervé Morin semble gagner doucement mais sûrement le porte-monnaie normand. Depuis 2 ans, la rumeur d'une monnaie 100% normande a largement fait le tour des commerces de la région. Et depuis juin 2018, la légende urbaine s'est muée en vérité vraie. En effet, durant 5 mois, la monnaie locale a été testée à Saint-Lô et dans le Centre-Manche, 153 commerçants l'utilisent déjà. Et depuis décembre 2018, c'est au tour de la ville de Caen d'accueillir la monnaie ducale où 36 commerçants ont déjà décidé de jouer le jeu. Cette monnaie locale, le Rollon, est dématérialisée. Elle s'utilise grâce à une application dédiée ou grâce à une carte de paiement gratuite qu'il faut recharger. 1 euro égale 1 Rollon. Les offres partenaires sont sans doute ce qui explique le lancement réussi de la monnaie 100% normande. En effet, via une application dédiée, l'utilisateur lambda peut se voir proposer réductions et tarifs préférentiels. Par ailleurs, la transition numérique est un argument maintes fois poussé au devant de la scène par les fondateurs du Rollon, car effectivement, si la monnaie a pris le nom du plus vieux duc normand, elle profite aujourd'hui des dernières technologies de paiement sécurisé. Au final, la monnaie locale normande porte le rôle de fixatrice des richesses, comme l'expliquent ses fondateurs. Le but est que le PIB, le produit intérieur brut généré par le commerce normand, reste en Normandie. Linda Lahal, conseillère régionale déléguée à l'économie sociale, théorise bien le procédé. Il faut redonner à la monnaie sa véritable nature, qui est de nous permettre d'échanger et non de spéculer. Et les réseaux d'échange risquent d'évoluer dans les mois à venir. En effet, après Saint-Lô et Caen, Bayeux et Vire, 3 autres grandes périodes vont marquer l'arrivée du Rollon dans les mois à venir. La monnaie sera disponible à partir de février 2019 à Rouen, Lisieux, Bernay, Évreux et les Andelys, à partir de mai au Havre, à Alençon, Argentan et Mortagne, et enfin à Cherbourg et à Dieppe à partir de juin. C'est à l'hôtel du département à Évreux que la remise des prix de la campagne départementale des villes et villages fleuris de l'Eure a eu lieu il y a quelques jours. L'opération récompense les efforts des particuliers pour le fleurissement de leurs jardins et les collectivités locales pour les actions en faveur de l'embellissement et du fleurissement des rues, parcs, rues et lieux publics. Pour cette 59e édition, 220 communes euroises sur 600 au total se sont inscrites au concours. C'est un peu moins que l'année dernière. Les orages de cet été ont contraint certaines villes à renoncer à leur participation. Cependant, nous accueillons cette année 9 nouvelles communes participantes. 3 d'entre elles reçoivent la première fleur et les 6 autres ont une deuxième fleur, ce qui fait un total de 90 communes sur le territoire qui sont labellisées entre 1 et 4 fleurs. La première hit radio en Normandie. Yeah, yeah. Cristal. À

The Gang sur Crystal pour se mettre en forme ce matin. Crystal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Fin du week-end. Et oui, je sais, ça passe vite, surtout avec les nombreux marchés de Noël et la course aux cadeaux. Noël approche, hein, c'est dans une semaine maintenant. On n'aura pas vu la fin d'année passer. Hein. Soyez les bienvenus sur Crystal. J'espère que ça va ce matin et que le réveil n'est pas trop difficile. Je sais que vous êtes déjà nombreux à bosser de nuit ou tôt le matin. Les chauffeurs, livreurs, les routiers, les taxis, les gendarmes, les infirmières et aides-soignants, les agents d'entretien aussi. Et j'en oublie forcément, mais bon courage à vous pour cette nouvelle journée. Une journée de nouveau froide en Normandie. Hein. Ça y est, l'hiver est là. Pensez à bien vous couvrir, surtout avec les rhumes et les angines qui traînent en ce moment.

if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they want your friends. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind. C'est déjà l'heure avec Dimitri sur Cristal. Et l'horoscope dans le prochain quart d'heure sur Cristal. Bonjour. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Seriez-vous capable de lâcher votre téléphone pendant un an? Plus d'une personne sur deux déclare ne pas pouvoir vivre sans son appareil connecté. Alors une marque de boissons énergisantes a eu une idée folle. Offrir 88 000 euros à celui ou celle qui laisse tomber son smartphone durant un an. Alors c'est une simple expérience qui permet de savoir si notre smartphone a une place importante dans notre vie. Il faut s'inscrire via Instagram et Twitter sur la page de la boisson Vitamine Water. Et attention, la triche est interdite puisque tous les candidats seront soumis au détecteur de mensonges à la fin de l'expérience. Ça rigole pas. Il y a 88 000 euros à gagner quand même, c'est pas rien. Les inscriptions sont lancées avec toutes les infos sur le site officiel de la marque Vitamine Water. Dur de se passer du tout connecté, c'est vrai.

Lundi 17 décembre, dernière semaine avant les vacances, surtout pour vos bouts et vos ados. Courage hein, pour ce début de semaine, on a encore la tête au week-end. C'est vrai que c'est jamais facile hein, de se motiver un lundi matin. Il est bientôt 6h, pensez à bien vous couvrir, on prévoit une journée froide encore en Normandie. D'ailleurs, laissez-nous vos températures météo sur le Facebook. On va se retrouver dans un instant pour l'actu, on s'écoutera aussi Justin Timberlake avant 6h. Mais d'abord, c'est votre horoscope comme tous les jours avec Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, bon lundi le 17 décembre, l'horoscope des béliers. Il vous faudra revenir à une gestion plus stricte avec les fêtes qui se rapproche, vous ne pourrez pas être partout. Taureau, d'ordinaire timide et réservé, vous vous sentirez pousser des ailes et de l'assurance amoureuse. Gémeaux, une journée très enrichissante vous attend, vous êtes heureux d'aller travailler. En attendant les fêtes, Cancer, votre partenaire se montrera compréhensif et vous vous rendrez compte que son amour pour vous est vraiment solide. Lion, n'essayez pas de lutter hein, ce lundi, ce n'est pas le jour pour prendre des décisions. Bientôt la fin d'année, les vierges, vous n'avez plus peur de faire face aux problèmes, vous savez ce que vous voulez. Balance, si vous convoitez un cœur libre, c'est le bon moment pour lui parler ou lui écrire. Scorpion, la journée ne semble pas vous réussir, vous préférez la jouer loup solitaire plutôt que de ruminer. Sagittaire, prévoir des cadeaux, établir des listes vous rapprochera les uns des autres, des petits moments de plaisir. Capricorne, l'occasion vous est donnée de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez des atomes crochus. Verseau, le temps est propice au changement, vous laisserez tomber votre rigidité habituelle pour vous laisser aller. Anxieux, les poissons, vous aurez du mal à vous défaire de quelques émotions négatives qui vous parasiteront. Excellente journée à tous. Shame, and I guess I was wrong. Don't wanna think about it.